Consolation à Monsieur Dupérier. Ta douleur, Dupérier, sera donc éternelle, et les tristes discours que te met dans l'esprit l'amitié paternelle l'augmenteront toujours. Le malheur de ta fille, au tombeau descendu par un commun trépas, est-ce quelque dédale où ta raison perdue ne se retrouve pas? Je sais de quels appas son enfance était pleine, et n'ai pas entrepris, injurieux ami, de soulager ta peine avec son mépris. Mais elle était du monde, où les plus belles choses ont le pire destin, et rose, elle a vécu, ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Puis, quand ainsi serait que selon ta prière, elle aurait obtenu d'avoir en cheveux blancs terminé sa carrière, qu'en fut-il advenu? Penses-tu que, plus vieille, à la maison céleste, elle eût eu plus d'accueil? Ou qu'elle eût moins senti la poussière funeste et les vers du cercueil? Non, non, mon Dupérier, aussitôt que la part côte l'âme du corps, l'âge s'évanouit au-deçà de la barque et ne suit point les morts. Ne te lasse donc plus d'inutiles complaintes, mais, sage à l'avenir, aime une ombre comme ombre, et des cendres éteintes, éteins le souvenir. C'est bien, je le confesse, une juste coutume, que le cœur affligé, par le canal des yeux vidant son amertume, cherche d'être allégé. Même, quand il advient que la tombe sépare ce que nature a joint, celui qui ne s'émeut, à l'âme d'un barbare, ou n'en a du tout point. Mais d'être inconsolable, et dedans sa mémoire enfermer un ennui, n'est-ce pas se haïr, pour acquérir la gloire, de bien aimer autrui? La mort a des rigueurs à nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle est, se bouche les oreilles et nous laisse crier. Le pauvre en sa cabane où le chaume le couvre est sujet à ses lois. Et la garde, qui veille aux barrières du Louvre, n'en défend point nos rois. De murmurer contre elle et perdre patience, il est mal à propos. Vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos.